Bon, qu'est-ce que tu décides? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien que tu essayes au moins. Oui, mais je ne crois pas que j'ai beaucoup de chance. Tu n'as qu'à l'inviter au cinéma.